on se disait adieu. C'était notre dernier voyage, notre voyage à tous les deux. Nos chemins se séparent et mon cœur en désarroi. On a beau dire, c'était si beau, ces quelques jours avec toi. Malgré nos raisons qui s'opposent, j'aimerais que tu restes près de moi, mais pourtant c'est comme ça. Mais il est déjà trop tard. Je t'aime si fort, oui tu le sais. Surtout ne m'oublie pas là-bas. Sèche tes larmes, ne pleure pas. C'est sans doute la toute dernière fois que je serai si près de toi. Ici s'arrête notre voyage. Sèche tes larmes, ne pleure pas. C'est vraiment la toute dernière fois qu'on va se dire je t'aime.